T'as voulu savoir jusqu'à quand je te suivrai. Je t'ai promis ma jeunesse pour t'accompagner. Un murmure monta du fond de mon cœur. Secouer la terre, fit chavirer les montagnes. J'ai prêté serment avec mes larmes, mais j'ignorais ma propre hypocrisie. Les années passent, changent, dilue ses sentiments. Les vœux que je t'ai faits deviennent mensonges. Enfin je comprends le peu que je t'ai donné. Vouloir te rembourser, ce n'est que des mots vides. Éveillant de mon rêve, je m'inquiète pour à notre rencontre, je me suis rebellé. Je ne veux pas me rappeler ces vieilles scènes. Mon dévouement sans loyauté t'a fait encore plus. J'étais jeune, tu œuvrais si dur pour moi. Mais sans ma gratitude en retour, ces années m'ont échappé, j'en ai peu gagné. À qui puis-je dire les remords en pas reconnu.